la misère. Aujourd'hui on est sorti de la galère. On a connu la prison et le cancer. Aujourd'hui des stars et remplis ça de concert. C'est pour nos frères et nos sœurs qui soutiennent. Nique sa mère à mort le FN. Je pisse sur la tête des racistes du haut de la tour Eiffel. Je m'habille toujours en truand de la galère. La réussite m'a ramené numéro 1 bye bye les gars. J'suis tellement bon qu'en vol à l'étalage j'fais des dégâts. 30 de la galère, beaucoup trop de frères. Morsai, Tuxtan, appelle ses rêves pour un bon kilo d'air. J'ai réussi mais j'oublie pas mes journées de galère grave. Trop de personnes que j'aime sont finies dans la cam. Aujourd'hui j'ai plus besoin de tchatcher, c'est le meuf qui me drague. J'attends le jour que Marine Le Pen se fait prendre en otage. Ça sera que le jour ma Lamborghini fera des dérapages. C'est pour mon pote Wistiti qui fait que des braquages. J'kiffe trop ma marque, j'kiffe trop ma life. J'suis trop fier, ma parole c'est ma hard life. J'suis tellement fort en flow que j'en ai en rap. J'peux même te faire un concert en arabe. J'remplis toutes les salles de Belgique et en Suisse. Et cette année je vise toute l'Afrique. J'rigole seulement comme j'fume du bon shit. Dédicacé aux Français qui sont pas racistes. On a grandi dans la misère. Aujourd'hui on est sorti de la galère. On a connu la prison et le cancer. Aujourd'hui des stars remplissent de concert, c'est pour nos frères et nos sœurs qui soutiennent. Nique sa mère à mort le FN. Je pisse sur la tête des racistes du haut de la tour Eiffel. Je m'habille toujours en truand de la galère. Boyoka, Morsai, Tuxtan, en français, en lingala. Longo là-bas sous Sinaio, et puis Vanda. Tango, Tosa, Miko, jamais Tosa, Kanaka. Tosa, Babi, Kondi, maintenant, Fogo, Yeba. Commandaté sur ce deep en braga. Soko Ningi Mbongo, Yakomo Nabiso. Tokunda Kalisu, Zute, Bonamapa. Maninga Leki, Paranfoto Sangana. Longo Lakuna, Peyo Zali Mabe. Banda Nayo Sui, Soko Ningi Mbata. Peyo Kandule, Oye Ezali Pepe. Lengu Yon Algérie, Mélange Nabraza. Vigi Toko Mingi, Tonani. Passi, awa na poto solo nanga pili pili. Bakando mbolo kona batata na baleki. Doule oyo, ezali kado. On a grandi dans la misère. Aujourd'hui on est sorti de la galère. On a connu la prison et le cancer. Aujourd'hui des stars et remplis ça de concert. C'est pour nos frères et nos sœurs qui soutiennent. Nique sa mère à mort le FN. Je pisse sur la tête des racistes du haut de la tour Eiffel. Je m'habille toujours en truand de la galère. On a grandi dans la misère. Aujourd'hui on est sorti de la galère. On a connu la prison et le cancer. Aujourd'hui des stars et remplis ça de concert. C'est pour nos frères et nos sœurs qui soutiennent. Nique sa mère à mort le FN. Je pisse sur la tête des racistes du haut de la tour Eiffel. Je m'habille toujours en truand de la galère.